Apocalypse chapitre 20. Après cela je vis descendre du ciel, un ange qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne en sa main, lequel saisit le dragon, c'est-à-dire, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et l'enferma, et mit le sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, sur lesquels des gens s'assirent, et l'autorité de juger leur fut donnée, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque en leur front ou à leur main, lesquels devaient vivre et régner avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne doit point ressusciter jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis, c'est la première résurrection. Bienheureux et saint est celui qui appara la première résurrection, la mort seconde n'a point de puissance sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour les assembler en bataille, et leur nombrer comme le sable de la mer. Et ils montèrent et se répandirent sur la largeur de la terre, et ils environnèrent le camp des saints, et la cité bien-aimée, mais Dieu fit descendre du feu du ciel, qui les dévora. Et le diable qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où est la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et quelqu'un assis dessus, de devant lequel s'enfuit la terre et le ciel, et il ne se trouva point de lieu pour eux. Je vis aussi les morts, grands et petits, se tenant devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie, et les morts furent jugés sur les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire, selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, c'est la mort seconde. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit au livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu.